40e ascension française au Mont Blanc par Paul Verne. Chapitre 1er, préparatif. Le 18 août 1871, j'arrivai à Chamonix avec l'intention bien arrêtée de faire, coûte que coûte, l'ascension du Mont Blanc. Ma première tentative en août 1869 n'avait pas réussi. Le mauvais temps ne m'avait permis d'atteindre que les Grands Mulets. Cette fois-ci, les circonstances ne semblaient pas beaucoup plus favorables, car le temps qui avait paru se mettre au beau dans la matinée du 18 changea brusquement vers midi. Le Mont Blanc, suivant l'expression du pays, mit son bonnet et commença à fumer sa pipe, ce qui, en termes moins imagés, veut dire qu'il se couvrit de nuages et que la neige, chassée par un vent violent du sud-ouest, formait à sa cime une longue aigrette dirigée vers les précipices insondables du glacier de la Brenba. Cette aigrette indiquait aux touristes imprudents la route qu'ils eussent prise, bien malgré eux, s'ils avaient osé affronter la montagne. La nuit suivante fut très mauvaise. La pluie et le vent firent rage à qui mieux mieux, et le baromètre, au-dessous de variable, se tint dans une immobilité désespérante. Cependant, vers la pointe du jour, quelques coups de tonnerre annoncèrent une modification de l'état atmosphérique. Bientôt le ciel se dégagea. La chaîne du Brévent et des aiguilles rouges se découvrit. Le vent, remontant au nord-ouest, fit apparaître, au-dessus du col de Balme, qui ferme la vallée de Chamonix au nord, quelques légers nuages isolés et floconneux que je saluais comme les messagers du beau temps. Malgré ces heureux présages, et quoique le baromètre eût légèrement remonté, M. Balma, guide-chef de Chamonix, me déclara qu'il ne fallait pas encore songer à tenter l'ascension. « Si le baromètre continue à monter, ajouta-t-il, et si le temps se maintient, je vous promets des guides pour après-demain, peut-être pour demain. En attendant, pour vous faire prendre patience et dérouiller vos jambes, je vous engage à faire l'ascension du Brévent. Les nuages vont se dissiper, et vous pourrez vous rendre compte exact du chemin que vous aurez à parcourir pour arriver au sommet du Mont Blanc. Si malgré ça le cœur vous en dit, eh bien, vous tenterez l'aventure. » Cette tirade, débitée d'un certain ton, n'était pas très rassurante et donnait à réfléchir. J'acceptai néanmoins sa proposition, et il désigna pour m'accompagner le guide Rabanel, Édouard, garçon très froid et très dévoué, connaissant parfaitement son affaire. J'avais pour compagnon de voyage mon compatriote et ami M. Donatien Levesque, touriste enragé et marcheur intrépide, qui avait fait au commencement de l'année dernière un voyage instructif et souvent pénible dans l'Amérique du Nord. Il en avait déjà visité la plus grande partie et se disposait à descendre à la Nouvelle-Orléans par le Mississippi, quand la guerre vint couper court à ses projets et le rappelait en France. Nous nous étions rencontrés à Aix-les-Bains et nous avions décidé qu'une fois notre traitement fini, nous ferions ensemble une excursion en Savoie et en Suisse. Donatien Levesque était au courant de mes intentions, et comme sa santé ne lui permettait pas, croyait-il, de tenter un aussi long voyage sur les glaciers, il avait été convenu qu'il attendrait à Chamonix mon retour du Mont Blanc et ferait pendant mon absence la visite traditionnelle de la mer de glace par le mont Tambert. En apprenant que j'allais au Brévent, mon ami n'hésita pas à m'accompagner. Au reste, l'ascension du Brévent est une des courses les plus intéressantes qu'on puisse faire à Chamonix. Cette montagne, haute de 2525 mètres, n'est qu'un prolongement de la chaîne des Aiguilles Rouges qui court du sud-ouest au nord-est, parallèlement à celle du Mont Blanc, et forme avec elle la vallée assez étroite de Chamonix. Le Brévent, par sa position centrale, juste en face du glacier des Boussons, permet de suivre, pendant presque tout leur trajet, les caravanes qui entreprennent l'ascension du géant des Alpes. Aussi est-il très fréquenté. Nous partîmes vers 7 heures du matin. Chemin faisant, je songeais aux paroles ambiguës du guide-chef. Elles me tracassaient un peu. Aussi, m'adressant à Rabanel, « Avez-vous fait l'ascension du Mont Blanc ?» lui demandai-je. « Oui, monsieur, » me répondit-il, « une fois, et c'est assez. Je ne me soucie nullement d'y retourner. »« Diable, » dis-je, « et moi qui compte l'essayer. »« Vous êtes libre, monsieur, mais je ne vous accompagnerai pas. »« La montagne n'est pas bonne cette année. » On a déjà fait plusieurs tentatives. 2 seulement ont réussi. Pour la seconde, ils s'y sont repris à 2 fois. Au reste, l'accident de l'an dernier a un peu refroidi les amateurs. Un accident, lequel donc ? Ah, monsieur l'ignore, voici la chose. Une caravane, composée de 10 guides et porteurs et de 2 Anglais, est partie vers la mi-septembre pour le Mont-Blanc. On l'a vue arriver au sommet. Puis quelques minutes après, elle a disparu dans un nuage. Quand le nuage fut dissipé, on ne vit plus personne. Les 2 voyageurs avec 7 guides et porteurs avaient été enlevés par le vent et précipités du côté de Courmayeur, sans doute dans le glacier de la Brenva. Malgré les recherches les plus actives, on n'a pas pu retrouver leur corps. Les 3 autres ont été trouvés à 150 mètres au-dessous de la cime, vers les petits mulets. Ils étaient passés à l'état de blocs de glace. Mais alors, ces voyageurs ont dû commettre quelque imprudence, déjà Ravanel. Quelle folie de partir aussi tard pour une semblable expédition. C'était au mois d'août qu'il fallait la faire. J'avais beau me débattre, cette lugubre histoire me trottait dans l'esprit. Heureusement que bientôt le temps se dégagea et que les rayons d'un beau soleil vinrent dissiper les nuages qui voilaient encore le Mont Blanc, et en même temps ceux qui obscurcissaient mon esprit. Notre ascension s'accomplit à souhait. En quittant les chalets de Planprase, situés à 2062 mètres, on monte par des éboulis de pierre et par des flaques de neige jusqu'au pied d'un rocher nommé la Cheminée, qu'on escalade en s'aidant des pieds et des mains. 20 minutes après, on est au sommet du Brévent, d'où la vue est admirable. La chaîne du Mont Blanc apparaît alors dans toute sa majesté. Le gigantesque mont, solidement établi sur ses puissantes assises, semble défier les tempêtes qui glissent sur son bouclier de glace sans jamais l'entamer, tandis que cette foule d'aiguilles, de pics, de montagnes, qui lui font cortège, et sauce à l'envi autour de lui, sans pouvoir l'égaler, porte les traces évidentes d'une lente décomposition. Du belvédère admirable que nous occupions, on commence à se rendre compte, quoique bien imparfaitement encore, des distances à parcourir pour arriver au sommet. La cime, qui de Chamonix paraît s'y rapprocher du dôme du Goûter, reprend sa véritable place. Les divers plateaux qui forment autant de degrés qu'il faudra franchir et qu'on ne peut apercevoir d'en bas se découvrent aux yeux et reculent encore, par les lois de la perspective, ce sommet si désiré. Le glacier des Bossons, dans toute sa splendeur, se hérisse d'aiguilles de glace et de sérac, des blocs de glace ayant quelquefois, jusqu'à 10 mètres de côté, qui semblent battre, comme les flots d'une mer irritée, les parois des roches des Grands Mulets, dont la base disparaît au milieu d'eux. Ce spectacle merveilleux n'était pas fait pour me refroidir, et plus que jamais, je me promis d'explorer ce monde encore inconnu pour moi. Mon compagnon de voyage se laissait également gagner par l'enthousiasme, et à partir de ce moment, je commençais à croire que je n'irais pas seul au Mont Blanc. Nous redescendîmes à Chamonix. Le temps s'améliorait de plus en plus. Le baromètre continuait lentement son mouvement ascensionnel. Tout se préparait pour le mieux. Le lendemain, dès l'aube, je courus chez le guide-chef. Le ciel était sans nuages. Le vent, presque insensible, s'était fixé au nord-est. La chaîne du Mont-Blanc, dont les sommets principaux se doraient aux rayons du soleil levant, semblait engager les nombreux touristes à lui rendre visite. On ne pouvait, sans impolitesse, refuser une aussi aimable invitation. M. Balma, après avoir consulté son baromètre, déclara l'ascension faisable et me promit les 2 guides et le porteur prescrits par le règlement. Je lui en laissais le choix. Mais un incident auquel je n'attendais pas vint jeter quelques troubles dans les préparatifs du départ. En sortant du bureau du guide-chef, je rencontrai Édouard Ravanel, mon guide de la veille. « Est-ce que monsieur va au Mont-Blanc ? » me dit-il. « Oui, sans doute, » répondis-je. « Ne trouvez-vous pas le moment bien choisi ?» Il réfléchit quelques minutes et d'un air un peu contraint. « Monsieur, » me dit-il, « vous êtes mon voyageur. » Je vous ai accompagné hier au Brévent. Je ne puis donc vous abandonner. Puisque vous allez là-haut, j'irai avec vous, si vous voulez bien accepter mes services. C'est votre droit, car pour toutes les courses dangereuses, le voyageur peut choisir ses guides. Seulement, si vous acceptez mon offre, je vous demande de m'adjoindre mon frère, Ambroise Ravanel, et mon cousin, Gaspard Simon. Ce sont de jeunes et vigoureux gars. Ils n'aiment pas plus que moi un semblable voyage, mais ils ne bouderont pas à l'ouvrage, et je vous réponds d'eux comme de moi-même. Ce garçon m'inspirait toute confiance, j'acceptais, et j'allais sans perdre de temps prévenir le guide-chef du choix que j'avais fait. M. Mais pendant ces pourparlers, M. Balma avait commencé ses démarches près des guides en suivant leur tour de rôle. Un seul avait accepté, Édouard Simon. On attendait la réponse d'un autre, nommé Jean Carrier. Elle n'était pas douteuse, car cet homme avait déjà fait 29 fois l'ascension du Mont Blanc. Je me trouvais donc fort embarrassé. Les guides que j'avais choisis étaient tous d'Argentière, commune située à 6 kilomètres de Chamonix. Aussi ceux de Chamonix accusaient-ils Ravanel de m'avoir influencé en faveur de sa famille, ce qui était contraire au règlement. Pour couper court à la discussion, je pris pour troisième guide Édouard Simon, qui avait déjà fait ses préparatifs. Il ne m'était pas utile si je montais seul, mais il devenait indispensable si mon ami m'accompagnait. Ceci réglé, j'avais prévenu Donatien Levesque. Je le trouvais dormant du sommeil du juste qui a parcouru la veille 15 kilomètres dans la montagne. Le réveil offrit quelques difficultés, mais en lui retirant d'abord ses draps, puis ses oreillers, et enfin ses matelas, j'obtins quelques résultats, et je parvins à lui faire comprendre que je me préparais au grand voyage. « Eh bien, me dit-il en bâillant, je vous accompagnerai jusqu'au Grand Mulet, et là, j'attendrai votre retour. »« Bravo, lui répondis-je. J'ai justement un guide de trop, je l'attacherai à votre personne. » Nous achetâmes les objets indispensables aux courses sur les glaciers. Bâtons ferrés, jambières en gros drap, lunettes vertes s'appliquant hermétiquement sur les yeux, gants fourrés, voile vert et passe-montagne, rien ne fut oublié. Nous avions chacun d'excellents souliers à triple semelle, que nos guides firent ferrer à glace. Ce dernier détail est d'une importance considérable, car il y a des moments dans une pareille expédition où toute glissade serait mortelle, non seulement pour soi, mais pour toute la caravane.